Soudainement, la porte ouverte. La gardienne de nuit. Oh merde! Bang! La gardienne de nuit est morte. Soudainement, la barre. Ah, la police. La police l'arrête, arrive. Chanson s'appelle Robbery Assault.